sortir de la merde, tes problèmes d'argent à 2 ans. Le père est parti, mes larmes d'enfant ont coulé tout du long d'une chaîne de vie. J'y réfléchis, dealer du shit, non, préférant la musique. Pour toi maman, la musique n'est qu'un passe-temps, ça ne rapporte pas de fric maman. Autant je voulais te faire plaisir, l'école n'a pas remporté sur mes désirs. Désireux de vivre une vie de pacha, quand on est jeune maman. On veut une belle voiture, être policier, pour abolir le mal, j'ai mal. Car c'est moi qui t'ai fait du mal, pendant plusieurs années. Je ne sais combien de larmes tu as versé, peu d'état d'âme j'avais. Plusieurs fois tu m'as menacé, m'envoyer chez le padre. Pour connaître l'autorité, faut pas faire du chantage à un môme. Un gosse a des sentiments, faut pas jouer avec la psychologie d'un enfant maman. Ces déménagements, pourquoi? Pour te retrouver seul à tout qu'on s'appelle une fois. Tous les 6 mois, explique-moi pourquoi je n'ai pas eu mon mot à dire. C'est vrai que la parole d'un fils est moins importante que son sourire. Mais sourire, je peux le faire à longueur de journée. Te donner mon avis, faut-il encore qu'on puisse se parler? D'où tu es? Je n'ai qu'un rap pour un dialogue. D'Aubervilliers à Paris, des galères, j'en ai tout un catalogue. Au fait, j'ai pris mes affaires sans rien, j'ai quitté le domicile pour m'installer chez Sam, affronter le regard de son père. Tu vois, j'espère qu'aujourd'hui t'es fier de notre morceau. Tout saigne sur les radios, tout va mal dans mes cerveaux. Maman, pourquoi tu sens mon cœur plus lourd qu'un bloc de ciment? 666 plaies sous pansement, maman. Adolescent, c'est vrai, j'étais pas le bon fils. Mais tu sais, une chienne de vie, ça laisse de bien vilaine cicatrice. Maman, pourquoi tu sens mon cœur plus lourd qu'un bloc de ciment? 666 plaies sous pansement, maman. Adolescent, c'est vrai, j'étais pas le bon fils. Mais tu sais, une chienne de vie, ça laisse de bien vilaine cicatrice. Maman, tu sais, ma tête tourne, la vie me grise, la roue ne tourne plus. Les choses dérapent, la vie se consume, tout ce que je n'ai jamais pu te dire ou faire pour toi. J'espère que Dieu m'en laissera le temps. J'ai peur du destin, man. Peur de stagner trop longtemps, man. Mon cœur flanche, jamais étanche au coup bas. Si tu le presses, tu comprendras pourquoi je ne pleure plus face à l'au-delà. La famille s'agrandit chaque jour et perd ses membres au lendemain. Pas assez soudé, éparpillé aux quatre coins du club, man. La vie te laisse souvent miroiter de beaux rêves. Je suis ex-footballeur, à tes yeux, il ne reste que l'ex-élève. Le glaive, ça bat subitement, man. Et on ne peut rien y faire, j'aimerais que tu sois fier. C'est ce que je récite dans chaque prièrement. Tes remontrances m'ont été bénéfiques, rassure-toi. Je n'accorde plus de confiance, trop de vices, trop de fois. Je lis l'inquiétude dans tes yeux, de l'amour. Je t'aime aussi, tu vois qu'une chose nous sépare. Je me rappelle pas te l'avoir déjà dit, manque d'esprit sur nos sentiments. Si peu de choses, si je guette derrière moi. Tu t'es toujours battu pour tes enfants, moi. La rose est une fleur pâle pour te décrire. Tu es la femme que j'aime, qui me rend plus fort d'un simple sourire. Maman, pourquoi tu sens mon cœur plus lourd qu'un bloc de ciment? 666 plaies, c'est pansement, maman. Adolescent, c'est vrai, j'étais pas le bon fils. Mais tu sais, une chienne de fils, ça laisse de bien vilaine cicatrice. Maman, pourquoi tu sens mon cœur plus lourd qu'un bloc de ciment? 666 plaies, c'est pansement, maman. Adolescent, c'est vrai, j'étais pas le bon fils. Mais tu sais, une chienne de fils, ça laisse de bien vilaine cicatrice. Maman, ah. Pourquoi gamin, j'ai vu mes rêves se briser? Tout n'est que larmes de sang quand on voit sa famille s'enliser. Maman, c'est triste, non? Ça fait des jeunes décadents, ainsi va la vie. Ouais. Nos familles, Wool, Yimka, Bali, Dumbia, Garnier, Slama, Trame. Sale moment.